On a un gros Larsen là, les gars. Peut-être ce soir. Sur le plateau, ça y est, on vous entend à peu près. Sur le plateau, vous nous entendez. Eh bien, j'espère que toutes les auditrices et tous les auditeurs nous entendent pour ce nouvel opus de Débattons d'Anguirou, avec comme thème ce soir la mort et la résurrection. Thème d'actualité, s'il en est, excusez-moi, avec dans le dispositif ce soir des invités exceptionnels. Des invités exceptionnels, des invités spectraux qui ne manqueront pas de nous contacter sur la ligne téléphonique de Radio Galère. Et je vous laisse, mon cher Brett, nous présenter le dispositif, l'incroyable dispositif de ce soir. Bonsoir, cher docteur, bonsoir à tous. Bienvenue à vous, cher dispositif, de nouveau sur ce plateau pour une belle émission mortelle, on pourra dire. Ce soir avec nous, le docteur, bien sûr, qui a pris les commandes de l'émission de manière remarquable. En revenant, c'est le thème de l'émission, même si on est un petit peu en avance sur le calendrier biblique. Mais comme diraient certains de nos morts, les morts n'attendent pas, et les morts ont le temps. Dandé, vous êtes parmi nous ? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Ça va à peu près. Je suis victime d'une pubalgie. Je n'aurais pas dû être sur cette feuille de match, mais les nombreuses absences m'ont poussé à intégrer le dispositif pour la bonne cause, pour la cause de l'équipe. C'est une période délicate de l'année, ça. Oui. Après l'été intensif et les premiers matchs, la pubalgie, c'est, bam. C'est la puberté. Hein. Noël sous la couette pour Dondé. Kamoun, vous êtes parmi nous. Alors normalement, c'est Dondé qui fait Kamoun. Moi, j'ai plus de voix. Kamoun. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ravi. Je vais très bien, je suis ravi d'être parmi vous. Kamoun qui a d'une certaine manière gagné le DBGR, Débattons d'Anguivoice du mois dernier sur Radio Galère et qu'on se fait un plaisir d'accueillir. On avait enterré le docteur peut-être un peu trop vite et ramené son remplaçant sur le plateau et peut-être que ce soir on aura une très belle confrontation entre le passé et le futur de DBGR. Il risque d'y avoir du combat. Hein. Et c'est vrai qu'on note deux disparitions aussi sur Marseille en ce moment. Raphaël Enthoven qui a complètement disparu et Aster aussi. On n'a pas retrouvé leur corps. Coach, vous allez bien ? Je dis ça va très bien. Je pense qu'on fera peut-être un peu tourner les verres de bière pour contacter les esprits des absents. Ok. Le docteur va vous faire un petit rappel du sommaire de l'émission et puis on se lance. Alors, pour cette émission mortelle, comme le disait très bien Brett, nous avons quelques petits problèmes techniques. L'occasion pour nous de saluer la mémoire d'un ami qui nous a très très très longtemps accompagnés, d'une très très belle manière d'ailleurs, au volant, à la conduite, au guidon de cette émission. le regretté Manuel Amor, voilà, qui n'est pas là ce soir, et ça s'en ressent un petit peu, il est vrai, sur certains aspects techniques. Alors on espère qu'on va contrebalancer tout ça avec de la pêche, de la bonne humeur, de la folie. Et ouais, mon cher Manu, on te salue. Et tout de suite, j'annonce le sommaire de l'émission. Le sommaire de l'émission, ce sera d'abord une nécrologie, une petite nécrologie que je vous ferai le plaisir voilà, de vous évoquer autour de la thématique du classico dont on parlera un petit peu par la suite. Voilà, l'occasion de saluer l'ami Francky Passy. Francky Passy, passé à trépas cette semaine, voilà, remplacé par Rudy Garcia, donc on le saluera à notre manière tout au long de l'émission. Le coach nous fera ensuite le plaisir de nous livrer une croquine dont il a le secret. La thématique pour l'instant m'échappe un petit peu, mais voilà, on verra ce qu'il nous a fait. Ça risque d'être très très court comme d'habitude. On va passer ensuite à une bali-balo sur quoi ? Sur la résurrection de ce garçon. Et c'est l'ami Brett qui va s'y coller. Voilà, avant d'évoquer, là encore, ces figures spectrales du football à travers peut-être une chanson, mon cher Don D, vous nous en direz plus tout à l'heure, celle qu'on va intituler la Rigobert Song, bien sûr. Voilà, donc ensuite, probablement, l'ami Martin Camoun nous fera le grand plaisir de finir en musique avec un quiz dont il a le secret. J'en profite. J'ai pas du tout l'impression que ce sera un quiz musical. on va juste faire un test micro. Vous m'entendez là, dans ce micro ? Est-ce que quand vous tapez avec votre majeur sur le micro, on n'entend rien du tout. Non. D'accord. Si je tape pas, vous m'entendez ? On vous entend. Ouais. Superbe. Eh bien, donc, ce ne sera pas un quiz musical, mais bien un quiz autour, bien sûr, de cette thématique de la mort. Tout de suite, une petite dédicace à nos illustres amis à plumes morts sur le champ de bataille. Non. Non. C'est vrai. Non. Je vous l'assure, non. Il y aura des questions que je fasse un truc pareil. Peut-être. Non, on a cruellement un problème technique. Ouais. Ce soir. Alors on va essayer de le résoudre. Pendant ce temps, on va quand même peut-être, pour introduire votre chronique, docteur, peut-être vous étiez nombreux à être devant votre écran hier soir pour le plus beau classico, si on inverse l'échelle de ces 20 dernières années, de l'histoire des classicos. Ouais, un truc sublime. Ouais. La victoire du beau jeu. Enfin, la victoire de personne d'ailleurs. Mais, vous avez regardé le match ? Je ne l'ai pas vu, non. J'ai eu l'honneur d'assister à cette purge, oui. Très bien. Qu'en avez-vous pensé, mon cher Martin ? Oh bah c'était la victoire, de quelque part, de la défense marseillaise, on peut dire, pour un petit peu donner un point positif à tout ça. Rudy Garcia est venu cloisonner tout ça, son expérience du catenaccio italien a parlé. Il a très bien cadenassé sa défense, rien n'est passé. On a senti un peu, d'après les on-dit, le coup de pub, le coup de communication en fait de Rudy Garcia, qui reprend l'équipe et qui d'une certaine manière veut poser son empreinte sur ce nouveau début de saison marseillais, avec l'idée de ne pas perdre sur les terres du club ONI de la ville de Marseille. Donc sans doute un très mauvais match, mais au final pas un si mauvais résultat pour l'équipe de l'OM. Vous pensez la même chose, mon cher coach, la fin en justifiait donc les moyens mis en place ? Bah, disons que je ne sais pas trop après. Moi, Vous avez cligné de l'œil, vous nous avez dit pendant le match. Hein. Oui, je me suis même profondément endormi, mais je pense que ça peut être finalement assez vertueux. C'était un match assez reposant. Il n'y avait pas d'enjeu, pas de suspense, pas de jeu. Finalement, c'était un peu comme un de ces mobiles qu'on pourrait mettre au-dessus d'un petit lit pour enfant. Et ça permettrait comme ça au bébé de s'endormir. Je pense que, voilà, c'est effectivement, Rudy Garcia commence par ne pas perdre, mais Mais bon, il commence aussi par faire chier, ce qui est finalement potentiellement ennuyeux, quoi. Bon, eh bien, je vais m'occuper donc de faire cette petite nécrologie du cadre ou nécrologie du tir. Puisqu'il a fallu attendre 10 ans depuis la mise en place d'analyses statistiques systématiques pour réussir cette entorse à ce principe vital du football qui consiste à frapper au but. Faute de précédent dans les annales, personne ne pourra donc assurer preuve à la pluie que s'est déroulé hier le pire match de l'histoire du championnat de France. Les 90 minutes de l'autoproclamé Classico virent ainsi l'OM, solidement réorganisé par son sergent Garcia, s'abstenir de tenter quelque assaut que ce soit à l'encontre des cages adverses. Rien en effet ne ressemblant à une attaque construite, à un schéma de jeu s'efforçant d'aboutir dans une surface de réparation où l'on ne surprit les joueurs olympiens qu'à 2 reprises. L'ère McCourt, qui commence cette semaine, accouchera-t-elle d'une révolution où l'historique devise de l'OM, droit au but, se verrait remplacée par une maxime certainement plus utile et plus pertinente, droit au parking. On connaît en effet les penchants du nouveau patron de l'OM pour les dalles en béton. Et quel moyen de plus efficace que de surveiller la bagnole des supporters pour s'assurer leur fidélité. McCourt ne connaît pas bien sport. Ce sport, comme il le concède lui-même. Mais il a compris, en bon capitaine d'entreprise formé dans l'Amérique du dernier millénaire, que le cœur de la cité phocéenne palpite aussi et principalement sous les capots plus ou moins rutilants des berlines et autres 4x4 qui continuent de donner sa chaleureuse atmosphère à notre ville. Tonton McCourt s'occupe du stationnement, fait circuler, revient aux bases de la philosophie routière, sans pour autant l'empreindre de cette culture du ballon rond qu'il ignore et qu'il a choisi de confier à celui qui pourrait devenir un moustachu des plus prestigieux sur les rives du Vieux-Port, si seulement il l'apportait. Celui dont le prénom évoque le renard des surfaces teuton, l'impayable champion d'Europe voleur, et dont le patronyme rappelle les plus belles heures d'un autre renard masqué, celui-là, qui s'échinait à ridiculiser le sergent affublé de bretelles. Rudy Garcia, donc, joker et héros de ce match nul, sans un regard pour le but adverse, sans un émoi pour les ultras revenus dans un stade où ils étaient jadis fréquemment châtiés. Rudy Garcia, le technicien adoué par les sondeurs, le Macron du Mans, de Lille et de la Roma réunis, autant d'équipes qui ont inscrit son blase dans la légende dorée des seconds couteaux, ceux qu'on utilise pour le beurre. Rudy Garcia, enfin, qui se félicite de ce prestigieux résultat et s'enivre de débuts convaincants à la tête de cette armée mexicaine tout en soubresaut, en lenteur, en péril, à l'image d'un Johan Pelé qui va sérieusement nous faire trembler toute l'année, ça c'est au moins promis. On l'aurait préféré Kevin Pelé, oxymore de l'OM, ou Kevin tout court, car ça aurait plus à l'autre en plus, à tonton McCourt, qui s'est promis, s'est mis au contrat de mariage. Mais Kevin Pelé s'envole et fait un grand pont sur son attaquant avec cette bouteille de cristalline à moitié pleine aux folles trajectoires. Réveillons-nous, le miracle a eu lieu, à quel prix ? L'infamie nous talonne, nous caresse, nous oppresse, invaincus au parc des pinces, au parc des quoi ? Des love symboles, des cancers de la créativité, des crabes tout en esquive de la ligne droite, yeux bandés pour se complaire en Marianne du sport de masse, du mort de spasme. Marseille présentait pourtant hier son 11 type, parsemé des soporifiques ou des sonorifiques, contrôle de la poitrine d'un baffé gomis capitaine, des demi-roulettes correspondant à la demi-coupe de cheveux de Thauvin, élan rehaussé en seconde mi-temps, façon débat d'outre-mer entre l'hilarant Clinton-Nige, dès qu'il touche un ballon, remplacé par un Zinedine Macaque, Saint-Jean-la-Perruque et se singularisant par 2 centres en retrait. Oui. La consigne était limpide, tout sauf le but. Droit en touche, droit sur l'homme, droit dans ses bottes pour plaire au futur président, droit aux 6 mètres pour les plus intrépides. Tant que les cages franciliennes restent immaculées. Hymne à l'abstinence que cet OM estampillé McCourt avec un Garcia qui se félicite de l'accomplissement de sa piètre mission, un peu comme si son compère mexicain était parvenu à faire la sieste. Decet imperatorem stantem mori, l'empereur doit mourir debout, pas en prenant un misérable point. On attendra donc, pour la nécrologie finale du club, le match retour au Vélodrome, les 11 buts encaissés avec panache, le retour des nazis sous la botte des Qataris, l'homocauste final en quelque sorte, histoire qu'il n'y ait pas de reliques, pas de pèlerinage, juste une grande esplanade marquée au sol, un grand parking sans but, surtout sans but. Et merci d'avance, tonton McCourt. Bravo docteur, merci. C'est vrai que vous dites quelque chose d'assez effrayant dans la chronique, c'est que l'Olympique de Marseille hier soir présentait son 11 type. Eh bien oui, c'était son 11 type avec des joueurs incroyables, son 11 type, des Rolando. Rolando qui est lui-même qui était à la résurrection, résurrection de Rolando. Je préfère le souligner de cette manière-là, effectivement, sorti de sa pierre tombale, Rolando, institué libéraux en chef de cette défense. C'est le nouveau pépé marseillais. Étonnante. C'est le nouveau pépé marseillais. Et nous avons tout mais à y gagner. J'ai l'impression que ce schéma de jeu lui-même est ressuscité, le fameux 5-3-2, 5-5-1, puisque il me semble que l'équipe de Lyon en a fait usage. En fait, c'est le schéma de jeu des faibles, quoi. J'ai l'impression que c'est l'équipe de Lyon cette année qui blinder en fait usage. La défense avec 5 défenseurs dont 2 latéraux qui sont en capacité de monter et un milieu de terrain lui-même. J'aime bien quand vous dites 2 latéraux en capacité de monter. Sakai est Bédimon. Sakai est quand même excellent. Sakai est excellent. Un soir de Mistral, ça va être dans le... Mais le 11 majeur de rêve. Ah oui, oui, c'est vrai que ça nous fait penser que finalement l'euro a servi à quelque chose, quoi, refaire vivre l'équipe d'Albanie ou d'Islande, voilà, sous des couleurs. On avait quand même Doria, Rekik et Rolando dans l'axe central, quoi. On n'a pas pris un pion. Un panel. Mais on n'a pas pris un pion. Oui. Rolando a fait le boulot. On peut s'en féliciter. On oui. peut s'en féliciter. Non, non, mais avec deux milieux récupérateurs, hein. Il n'y avait aucun. Aucun milieu créatif quand même dans l'équipe, mais il y avait deux meilleurs récupérateurs. Sachant qu'Anguissa est quand même assez bon pour récupérer la balle, même s'il ne sait pas faire une passe, ce qui est quand même un peu ennuyeux pour animer le jeu. Et sinon, bon, ben, son comparse Diarra, lui, il fait ce qu'il fait d'habitude, mais là, il était, je pense aussi, lui, un pénultième défenseur dans ce match. Il se réveille doucement, on peut aussi. Délesté du poids du capitaine. Voilà, tout à fait. Ça s'est pas vu. Mais c'est vrai qu'il manque ces folles chevauchées vers l'avant. Ouais, peut-être qu'il n'y en aura plus. Peut-être lui laisser le temps de revenir à la sauna. Peut-être que c'était le dernier coup. Ah, les derniers coups de rein du LAS. Bah, le dénommé Zindine Machache, finalement, n'a pas démérité. Hein. Voilà, en remplaçant Clinton, le fameux Clinton J, vous ne connaissez pas. NG. Clinton Henge. Qui n'a pas mis les gaz. Quand même. Non. Sa seule qualité, ce Clinton, c'est sa vitesse. Mais là, hier, c'était quand même. Il n'y avait personne pour lui faire une passe, de toute façon. Il n'y avait personne pour lancer la mobilette. Donc, du coup, il n'a pas fait grand-chose. Ouais, c'était compliqué pour lui, comme vous disiez, coach. Il y avait 7 défenseurs et 3 attaquants tout seuls devant. Donc, personne entre les lignes pour essayer de un peu orienter le jeu. Et... Ouais, ils étaient coupés. Hein. On n'a pas plus vu Gomis, Tovin que NG. Puis cette formidable équipe du Matra Racing qui rame, qui rame beaucoup en ce début de saison aussi, quoi, j'ai l'impression. Oui, on se régale bien d'ailleurs. C'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. C'est vrai que là-dessus, on peut quand même tirer notre chapeau à l'ami Rudy. Nous ne sommes pas les plus à plaindre dans cette histoire. Non. Petite transition tardive d'Andé, en parlant de la résurrection de Rolando, qui est quand même liée au départ d'un certain homme. Vous aviez envie de proposer une minute de silence. Alors je vous laisse l'annoncer peut-être. Ah oui, alors c'est une minute de silence pour je ne sais pas si c'est un hommage, en tout cas c'est un constat. Une minute de silence à l'égard de Franck Passy, qui ce week-end a, comme on le dit si bien, a passé l'arme à gauche. Alors, nous allons faire une minute de silence en son hommage. Le cercueil s'est rouvert. Et à mon avis, il y avait déjà du gaz. Le Francky était généreux, il faisait tourner gratos dans les vestiaires. Merci Francky quand même, merci beaucoup. Francky, c'était bon. Un bilan équilibré. Plus qu'honorable. Équilibré. Équilibré. Je sais pas. Plus qu'honorable, oui. Une finale de. Pas mémorable. C'est terrible quand même le destin de cet homme. Faut-il le rappeler, jamais à jamais le second, en fait. Ouais. Quoi. C'est un peu l'antithèse de la devise des supporters de l'OM. Lui, il a eu peu d'espace pour laisser une trace. Pour s'exprimer. Et au final, il n'en laisse aucune. C'est ça qui est... D'autant que même quand il était l'entraîneur principal, il avait toujours le statut d'entraîneur adjoint. Donc, il n'a jamais eu son contrat. C'était quand même... C'était le coup de grâce pour Franck. Là. Je pense qu'à mon avis, il s'y attendait quand même un petit peu. Oui, c'était écrit. C'était écrit, coach, je crois que ça va être à vous. Parce que c'est écrit aussi sur ma petite feuille en bas à gauche. Ah, et on ne met pas peut-être un peu de musique avant ? Bien sûr, si vous préférez mettre de la musique d'abord. Petite transition musicale. Vous êtes le coach, c'est vous. Une petite transition musicale. Vous êtes aussi le programmateur musique de cette émission, coach. S'il n'y a pas de problème technique, c'est l'inconvénient du direct ? Non, il ne devrait pas. Bien sûr que non. Évidemment pas. Quelle aplomb, bref. Le fichier qu'on avait tout à l'heure était corrompu, tout simplement. Sinon, ça marche très très bien ici. Qu'est-ce que vous voulez passer comme musique, coach ? Je propose de passer la petite reprise Bollywood du Thriller de Michael Jackson. Eh ben, très bon choix. Aussitôt dit, aussitôt fait. On y va. నేపాళీ మంత్రమైతే ఏమవుతావో కంగారు పడ్డ కన్న శృంగారమా వణుకుల్లో కూడా ఎంత వయ్యారమా గోలి మార్ గోలి మార్ మార్ మార్ మార్ చేస్తారు ప్రాణాలు ఇంకా తీస్తారు ఉన్న మతి పోయాక ఉప్పు పాత రేస్తారు ఓ ఇల్తి బల్తి పూబంతి ఓ శాల్తి శాంతి ఓం శాంతి రుద్రం రౌద్రం రిరింస మూర్ఖం మూఢం ముమూర్ష కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ కిల్లర్ గోలి మార్ గోలి మార్ మార్ మార్ మార్ మార్ Coach, pour ce petit morceau superbe, vous avez trouvé ça où ? Voilà, d'anthologie. C'est quand même un morceau culte hein, qui est c'est connu, qui est connu dans tous les supermarchés au rayon entremets. Voilà. D'accord. Oui, il fallait reconnaître la reprise de Thriller. Oh non, moi aussi, j'ai cru la reconnaître, mais non, en fait. Voilà, je recommande à tout le monde de jeter un coup d'œil sur l'extrait du film dont c'est tiré. Ça vaut son pesant de... On trouve ça sur... De crème allégée, oui. Crème allégée ? Oui, on trouve ça sur tous les bons... Les petites boîtes en plastique qui diffusent du sang. Voilà. D'accord. Bon, mais je crois que vous ne pouvez pas y couper, c'est l'heure de votre chronique. Croquine. Croquine, oui. Voilà, donc je vous propose... Votre croquine conique, quoi. Voilà, je vous propose de lancer cette petite croquine sur le Matra Racing. Donc ce club, finalement... aussi mythique pour avoir été complètement oublié. Finalement, son oubli est plus mythique que le club lui-même et qui le rend d'une certaine manière assez exceptionnellement oubliable et de fait exceptionnel. Et voilà, je pense que c'est un moment des années 80 que les plus vieux d'entre nous, dont les plus vieux d'entre nous se souviennent. et que les plus jeunes, finalement, imagineront que c'est une totale œuvre de fiction. Ils s'en souviendront. Vous leur en ferez 20 minutes de chronique, 9 minutes de chronique. Voilà, avec mon péché mignon et un peu de poésie contemporaine dans ce monde de brut. Allez, merci coach, on y va. Ils vous entraîneront tous dans des aventures violentes, sentimentales. Oh, Henri, comme je suis heureuse. Écoute, Aurore, s'il n'est pas ton père et que ton Lagardère n'est pas fou d'amour pour toi, c'est qu'il en aime une autre. Une autre? Cocasse, attends, on va voir s'il est muet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est mon bonhomme, c'est lui. Arrêtez de suivre lui, allez. Émouvante. Mon enfant. C'est un film fastueux. Mystérieux. Mettez votre masque, monseigneur. Captivant. Dramatique. Lâche ! Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi. D'un bout à l'autre du monde, des hommes tournent en rond sur des terrains rectangulaires. Ils poussent une forme sphérique avec le pied, à fleur de peau, pour s'approprier la surface de l'adversaire. Pendant 90 minutes, ils mettent leur bonheur dans le mouvement, parfois dans la technique, le plus souvent dans le style ou les trois points. Le football est un jeu irréductible qui parcourt les entrelignes et insuffle aux hommes des fables qui se remplissent et qui se vident. C'est un de ces contes de fées du game over que je vous invite à prendre au sérieux. Cette chaîne de Moscou en a trois, la capitale française et sa banlieue peinent à monter deux équipes dans l'élite. Elle n'est pas la seule tête européenne à ne pas en avoir une paire. Des raisons historiques qui peuvent répondre rationnellement à cet état, mais dans les milieux avertis, certains parlent de la malédiction du second club francilien. Les histoires de Mornay comme l'Entente Sannois-Saint-Gratien, le Saint-Denis-Saint-Leu FC ou l'UJI Alfortville démontrent la validité virale de l'hypothèse. Celle des damnés et morts vivants comme l'US Créteil Lusitanos, le PFC et bien sûr le Red Star semblent encore conforter la conceptualité idéale de la superstition. Et puis, il y a eu le Matra Racing et ses rayures horizontales bicolores ciel et blanc. Un destin de princesse qui ne dura qu'un instant dans les années 80. Tout semblait alors tellement réel, sauf l'avenir. La fatalité de tout organisme vivant est de retourner d'où il vient. Le nihilisme est un danger inhérent à l'ironie du jeu de la vie. L'esthétique du chaos est un amour. Mais que se passe-t-il quand ce qui fait la renommée d'un monument est son absence, sa disparition, voire son oubli? Et que penser d'un papillon qui ne laisse au monde aucune tornade? L'histoire commence là où elle se termine, dans un stade de banlieue devenu cimetière de la capitale. On y rencontre Jean-Luc Lagardère, un homme d'affaires qui doit sa puissance à la vente d'armes, un Frankenstein de la finance qui aime le football. Il y déterre le cadavre du RCF, devenu RCP, croyant y trouver sa danseuse aux souliers d'or. Ses investissements sont censés combler le trou dans la pelouse. Mais pardon, il faut donner des dates, car si on ne peut envisager une existence sans date, on ne peut voir une disparition sans elle. C'est en 1983. Ce revenant marche encore quelque temps Racing tout court, avant de sortir de son cocon pour déployer ses ailes de Matra Racing, au Parc des Princes et en première division en 1987, avec une équipe de chevaliers et de valets contractés par des salaires jamais vus en France à l'époque. Enzo Francescoli, Pierre Littbarski, Max Bossis, Rabat Madjer, Eugène Camango, ou encore l'horrible Luis Fernandez. Le public déchante vite, le football n'y est pas l'opéra annoncé. Les joueurs attendent seuls au fond du vestiaire. L'appel est les cris de joie des tribunes, mais rien ne vient. Rien d'autre que ces moments existentiels où les joueurs ne rêvent que de se coucher, où même le gardien de but se sent prisonnier. Alors pas de tape sur l'épaule des fils d'ouvriers, pas de croix signée sur les paninis de leurs fils, pas de champagne dans les bidons dorés et pas de poupée Barbie assise sur leurs cuisses. Les stars se disent que quelqu'un quelque part a dû commettre une erreur quelconque. Passer à l'antenne pour vendre leur quart d'heure de gloire, c'est fait. Mais les télés ne diffusent que des images du vide. Ils errent sur le terrain sans comprendre, simplement, qu'ils n'avaient pas de cité à défendre. Les bandits et les saints du Racing échouent donc dans leur danse au bonheur des êtres humains en fin de droit et des bourgeois en rut. Celui de sortir ses tripes et dévorer des abats. Celui qui traversait les banlieues. Celui qui transforme les pigeons en coqs de combat et les zèbres en tigres. Adieu la chaleur des supporters qui s'est fait suer. Adieu les regards pleins d'amour et de mort. Adieu la fièvre vaudou des foules transfigurées. Adieu les journées superflues à attendre que la nuit tombe. Adieu les couleurs de la déraison. Adieu la violence et la joie et la passion et le carnage. Les supporters font tous demi-tour sur le chemin du stade. Ils reviennent dans le monde, ils reviennent dans la ville. Ils retournent acheter leur bouteille d'alcool. Pour le Matra Racing, c'est dès le commencement le début de la fin. Vivre sans public dans la société du spectacle, c'est encore pire que de vivre sans Dieu. Quelques petites années s'enchaînent, mi-fig, mi-raisin, Olmeta, Ginola, Guérin. Elles auront raison de l'ambition de la grenouille Matra sous les railleries et la mélancolie. L'argent dépensé et le recrutement XXL ne conduisent nulle part ailleurs qu'à une lente descente aux enfers dans l'anonymat d'un Racing 92 lorsque Matra se désengage en 1990. La mort s'est échangée en lumière, la lumière s'est échangée en football, le football s'est échangé en rien, la mémoire s'est échangée en bière, le Matra Racing s'est échangé en poussière. Cet accident industriel qui mériterait un Darwin Award. Lagardère n'était qu'un prince en retard de plus. La morale du sport à l'époque était salutaire. À l'époque, un chéquier ne faisait pas une famille à la capitale. Oui, tout le monde croit aujourd'hui dans le football qu'on peut acheter l'affection, mais ce n'a pas toujours été le cas. L'argent n'a pas toujours fait la loi. La vie ne s'est pas toujours écrite dans des livres de comptes. Et le jeu finit toujours sur un game over, quoi qu'il arrive. De finir cette croquine là-dessus. L'équipe était si belle dès le départ. Elle aurait su nous exciter, rire et bander au centime près, si elle n'était pas née fatiguée, avec plus rien des rêves de l'enfance. Rien que des corps achetés à taper dans un ballon. Sans plaisir, sans passion, sans douleur, sans méditation, sans embarras, sans beauté, sans regret. Il connaissait ça par cœur au Matra Racing. Par cœur, l'inutilité de ces faux dieux qui ne sont pas faits pour durer plus longtemps qu'une vie de papillon sans tornade. Merci coach, bravo. Magnifique. Belle chronique, superbe. Encore un excellent travail d'écriture, un excellent travail de montage. Voilà, je vois mon camarade Dundee hein, qui qui rit pour cacher ses larmes. Benoîtement. Tout ému. Tout ému, ses souvenirs du maître à Racing l'ont profondément bouleversé, ça lui a rappelé son enfance. Alors moi, non, mais c'est les... Bon, la première chose qui me saute aux yeux, c'est que... aux oreilles plutôt, c'est... J'ai l'impression qu'on peut faire un parallèle avec le club de rugby de la capitale, avec le Racing Métro. Enfin, d'après ce que vous dites, il y a quelque chose de l'ordre du showbiz un petit peu dans la constitution de cette équipe et de ce club, qui est un peu aussi contemporain de... Bah, en fait, des premiers faits d'armes du Racing Métro, voilà, qui joue un peu sur les paillettes pour conquérir un public francilien qui n'est pas de fait très présent, très assidu dans les stades. Ben, c'est paradoxalement, en fait, le Matra Racing se fonde sur la section football en fait, du Racing Club de France, qui est finalement un club multisport dont il y a le rugby, mais aussi de l'athlétisme, etc., qui date du début du XXe siècle, donc qui est finalement historiquement assez ancré. Sauf que voilà, Lagardère, lui, il a quand même le projet de finalement de se faire un petit peu reluire aussi à travers ça en tant qu'entrepreneur, etc. Bon, c'est quelqu'un, malgré tout, qui aime le football, mais qui veut aussi, à travers le football, finalement faire son beurre un petit peu. Et ça ne marche pas trop, et ça ne marche pas trop d'autant que, en fait, c'est aussi un club de foot qui a beaucoup déménagé de stade en stade et qui a eu du mal, finalement. Je pense qu'à partir du moment où on n'a pas de stade proprement dit, où on n'a pas un lieu bien à soi, il est quand même difficile, je pense, de fidéliser une clientèle qui n'a pas de lien, finalement, avec le territoire, qui n'a pas d'histoire, en fait, avec le club, parce que le club n'a pas d'histoire avec le territoire. Donc je pense que c'est assez difficile, comme ça. C'est un club qui a joué, qui joue peut-être maintenant à Colombes, qui a joué donc au Stade Colombes, de... c'était pas le stade, de France. Origines. Ça, je ne sais pas exactement, mais... C'est le stade historique des équipes de France, avant la construction du Parc des Princes, effectivement. C'est un club qui a beaucoup voyagé... Donc, qui a quand même eu des heures de gloire entre 1930 et 1960. C'était le gros club de la capitale avant que l'autre club n'apparaisse dans les années 60. Nous tairons le nom des sinistres mémoires. Donc en fait, la chute de ce fleuron de l'industrie française qui est Matra entraîne la chute de ce club de foot en fait. Oui. C'était. Ce qui pourrait peut-être être comparé à Peugeot et Sochaux, je me demande, non ? Est-ce que Sochaux se remet véritablement de. Sujet fragile pour le coach. De cette. sujet bien connu. Cette séparation d'avec Peugeot. Disons que la première année était difficile. La seconde s'annonce un peu mieux. Puisqu'ils sont... Par rapport au rachat par les Chinois du club voilà, de Sochaux, sachant que leur propriétaire est potentiellement en faillite, puisqu'il a été accusé de falsifier les comptes, etc. Ce qui fait que les actions de son entreprise ont chuté de quasiment 90% l'été dernier. Ce qui fait que si lui tombe en faillite, étant propriétaire du club à 100%, il est probable aussi que le club en pâtisse. Mais apparemment, c'est... Ça tient. En tout cas, pour l'instant, ça tient. Les joueurs ne s'en préoccupent pas. Ils sont dans la première moitié du classement de la Ligue 2. Je pense pas qu'ils iront gagner mieux mais que ce qu'ils ont déjà. Mais c'est déjà mieux que, au moins, ils ne jouent pas le maintien comme les années précédentes. Tout à fait. Ouais. On espère leur survie, en tout cas, tous. Et ça donne pas un peu des idées par rapport à l'actuel club de la capitale, un destin un petit peu similaire. Est-ce que vous pensez que ce club de paillettes pourrait lui aussi... à terme subir le même sort en cas de désengagement, qui sait. Ah oui. Parce que on sait jamais, un petit désengagement des Qataris. Ah. Et là, qui reprendrait cette espèce d'usine à perdre de l'argent qu'est le club de la capitale ? Parce que je crois que de ce point de vue-là, c'est un des clubs qui perd le plus d'argent en Europe. Mais oui, il y a des milliards de dollars pour l'instant qui sont à disposition. C'est sûr. Duluc disait là récemment que de toute façon tenir un club de foot c'est perdre de l'argent. Donc en fait il faut avoir des fortunes comme celle-là pour pouvoir les tenir un certain temps, mais sinon je pense que l'intérêt est ailleurs. Oui, puis j'ai l'impression que dans le cas du Matra, il y a vraiment un lâchage de l'État, puisqu'il me semble que le Matra, dans cette industrie à l'époque, il y a des participations de l'État qui sont assez fortes, puisque c'est une industrie qui travaille sur l'aéronautique, il me semble, la défense. Et en fait, c'est finalement le changement de cap. Peut-être je m'avance un petit peu, mais il me semble que c'est le cas. Le changement de cap de politique industrielle de l'État en matière de défense, en matière d'aéronautique, qui fait que Matra s'effondre. Tandis que là, on a finalement un État qui est derrière un club de foot, qui l'utilise comme une vitrine pour d'autres investissements. Et finalement, c'est un énorme... Et le pétrole a encore de longues heures devant lui. Oui, c'est ça, l'effondrement n'est pas programmé. Enfin, le gaz d'ailleurs. En fait, oui, puis il n'y a pas que le pétrole. Après, c'est plutôt le gaz en plus. Comme on dit, une diversification des actifs qui fait que le Qatar a les reins solides. J'ai l'impression. Donc moi, je ne comparais pas les deux situations. Plus avec des clubs historiques qui ont été portés par des entreprises... national, du coup, comme Sochaux, par Peugeot, ou je vois pas trop d'autres clubs, mais bon, de toute façon, la plupart des clubs ont été au départ fondés par des entreprises, en fait. Hein, toute l'histoire du football français au début du XXe siècle démarre dans le nord de la France parce qu'elle est portée par des entreprises, soit des mines, de la sidérurgie, qui fait que, en fait, on peut constituer une équipe qui permet de détourner le regard des ouvriers et des travailleurs de leurs conditions sociales d'origine. Et de les occuper le dimanche, oui. Voilà. Et qu'ils prennent des grosses murges. Uh-huh. Non, il se dit un truc comme ça, oui. C'est vrai. Oui, on devrait jouer au foot. Tout à fait. Eh bien, mon cher Brett, je crois que c'est à vous d'ailleurs peut-être qu'on va laisser la parole sur ces... Si je peux me permettre, je voulais juste revenir une dernière fois sur cette croquine du coach pour une petite chose personnelle, pour dire que j'ai été très touché car c'est le premier match que j'ai été voir au Stade Vélodrome tout gamin, amené par mon père. C'était l'OM contre Matra. Et je me souviens qu'il y avait Pascal Olmeta au cage du Matra Racing, et qui s'amusait énormément quand les supporters l'insultaient et lui disaient « Vas-y, baisse ton short » et tout. Et qui commençait à le faire en dansant, qu'il avait une classe, qu'il était très rigolo. Et quelques années après, on l'a vu arriver à l'OM. C'était l'époque où il y avait Ali Ben Mabrouk, le Matra Racing. C'est possible, je dirais que c'était entre... Oui, Ben Mabrouk a joué au Matra Racing, oui. Ça devait être vers 87, 88, je dirais. Il y avait Kabongo, etc., Ben Mabrouk, Francescoli. Je me souviens de jeunesse de Ben Mabrouk, qui était un sacré casseur de gambettes. Il devait y avoir Carlos Moser en face, peut-être. Avec son joli crâne chauve, oui. Il y avait un petit côté Yul Brynner gonflé. En tout cas, c'était un immense souvenir que j'avais, la première fois au Vélodrome, ça ne s'oublie pas. Et qui avait gagné le match ? Jerkamoud. J'ai oublié ça, par contre. La question piège. Ouais, c'est clair. 2-1, but de Vercruis et Moser. Non, en fait, je ne me souviens plus du tout. Allez, on va écouter donc cette magnifique chronique, moi, pour le coup. Du convalescent. Dites du convalescent. La chronique du convalescent, ça me plaît beaucoup, comme intitulé, sur Balotelli, donc la résurrection de Balot. Voilà, bon courage à vous, à tout à l'heure. Lui qui avait inscrit 3 buts durant toute la saison dernière au Milan, voilà qui empile les pions depuis son arrivée à Nice. Un peu incrédule, le monde du football, le monde des vivants et des morts assiste à la résurrection niçoise de Mario Balotelli. Balot se fit crucifier tant de fois, et tant de fois ressuscita, qu'il privila sur le Golgotha, avec fléchette, piscine, n'est-ce pas? Ah, ah, Balibalot, c'est pas demain qu'on aura ta peau. Lui qui connut la petite mort, Mourinho à Milan, lui qui vit sa dépouille gigantesque transférée vers la grisaille de Manchester, lui qui se vit fumer comme un vulgaire clope à Liverpool, avant d'être définitivement remis en bière de retour à Milan, voilà qu'il renaît. Là, nettoyé de ses fautes et de ses plaies dans la rivière de l'Alliance, baptisé au pied de la vallée des merveilles au pied. 4 matchs et 5 buts avec les Aiglons auront suffi pour que Super Mario fasse son retour sur la piste, en pole position, loin devant, reléguant les Luigi Nguyen, les Yoshi Ibrahimovic et autres princesses Margarita Toadstool au vestiaire, conduisant son bolide ballon en tête, seul et libéré. Car c'est lui l'attraction, lui le nouvel héros de ce football devenu la pâle copie de ses avatars de console de jeu. Lui qui pourra lâcher où bon lui semble les pots de banane, quand bien même des cris de singes nauséabonds fuseraient dans les tribunes des stades ou de presse. Les fusées, c'est son affaire. Quand Mario s'ennuie, il improvise des feux d'artifice dans sa salle de bain. Nous sommes en 2011 et Mario meurt à Manchester. Alors il fait flamber sa maison et offre le spectacle à ceux qui veulent le voir, à ceux qui affamés s'ennuient encore plus que lui, meurent plus que lui, et Mario s'en amuse. Il est riche, dira-t-il sans cynisme à un agent de police qui lui trouve trop d'argent dans les poches. Qu'est-ce qu'une maison alors? Qu'est-ce que des murs? Qu'est-ce qu'une tenue de footballeur? On ne peut pas réduire Mario. Sa vérité est ailleurs. C'est lui encore, Super Mario, qui pourra lancer des éclairs, légers comme une plume, débarrassé de sa carapace de vivant et appuyé sur le champignon dans les flashs crépitants des journalistes venus en masse au bord de la piste aux étoiles et aux fantômes. Étoiles. Elles semblent bien loin, celles de 2010 remportées avec l'Inter de Milan. Et déjà, il frôle la sortie de route en demi-finale en jetant son maillot interiste sur la pelouse, mécontent des huées du public à son encontre. Car Mario est un homme avant d'être un joueur de foot. Et là, nulle figure de style. Combien d'hommes encore se tiennent dans des chaussettes de football? Combien d'hommes encore derrière les discours et dans les actes? Mario seul sait que le monde est aux fantômes, aux hyènes et aux vautours, et il les côtoie, de près, à l'ombre des jeunes filles vénales en fleurs, et à l'ombre du nez de Minot, péninsule avariée reniflant le bifton à des lieux à la ronde, cap par les tempêtes toujours inviolées, perchoir protégeant son petit oisillon, refuge magistral déposant son poulain ressuscité au pays du Mistral. Non, non, Balibalo, c'est bien Minot qui est un salaud. Mourir, Mario connaît, puisque pour devenir Balotelli, il a fallu tuer. Mario Balotelli est né Mario Barua, de parents ghanéens. Enfant, il subit les graves séquelles d'une malformation intestinale. Les problèmes de santé de Mario et les conditions de vie rudes de la famille poussent les Barua à demander l'aide des services sociaux, qui proposent l'option de confier l'enfant à une famille d'accueil, sans pour autant le faire adopter. Mario, âgé de 3 ans, rejoint alors une famille italienne, les Balotelli, passant les jours de la semaine dans sa famille d'accueil et les week-ends dans sa famille biologique, mais, quelque temps après, il est convenu que Mario serait élevé en permanence par les Balotelli. Ses parents nourriciers, Francesco et Silvia Balotelli, habitent un village aisé de Consecchio, près de Brescia. Alors que leur fils a accédé à la notoriété, les parents biologiques de Balotelli demandent qu'il leur soit rendu. Ce dernier les accusera plus tard d'être des chasseurs de gloire. Et c'est ainsi que Mario meurt une première fois, et René, à 18 ans, italien, riche, footballeur. Mario regarde alors le football mourir autour de lui et traverse seul le champ de ruines, refusant le jeu, carapaté dans un ego, seul refuge au jeu de dupes. Mario accepte tout ce que le football lui donne, et le casse, et jette les miettes à ceux qui en font leur beurre. Mario casse des voitures, mais pas de game over. Mario lance des fléchettes sur des jeunes d'un centre de formation, visite les prisons pour dames, se perd dans des chasubles et ressort auréolé d'une chanson. Oh, Balotelli, c'est un attaquant. Il joue bien aux fléchettes, est allergique au gazon, mais quand il joue, putain qu'il est bon. Il circule dans Moss Side, le portefeuille plein de bifetons. Il sait pas enfiler son chasuble, mais avec lui le meilleur. Va dans les écoles et rappelle au prof le règlement, fout le feu chez lui en s'amusant avec des fusées dans sa salle de bain. Mais putain qu'il s'en tape, il a fait ça pour déconner. Il se précipite dans sa maison, récupérer une valise pleine de billets. Et Mario regarde Minot faire œuvre de destruction, car il sait que ce n'est pas son génie qu'on vend. Pas de trophée pour Mario, mais des frasques qui lui ouvrent déjà les portes de l'éternité. Car la résurrection de Balot, c'est la résurrection de tout un football. Si Mario revit alors, c'est le footballeur qui revit. Celui de l'homme avant tout, limité, brisé, c'est le football de Best, de Canto, le footballeur des stades et des bars, le footballeur qui devient un homme en raccrochant les crampons et qui offre sur la pelouse son génie fragile, son destin terrible de sportif de haut niveau, convoité par tous, jugé, mâché, digéré par des hommes qui s'ennuient et s'enrichissent sur son dos. Et Balot le sait bien, et sait qu'il s'enrichit lui aussi, et qu'en tant qu'élu, ce sera toujours lui. Alors il dit bravo et vive la mort. La réponse du football à la perplexité du footballeur contemporain, comme au footballeur de tous les temps, a pour fondement le Balot ressuscité. Et elle est contenue dans l'espérance de la probable résurrection future de tous ceux qui jouent professionnellement au football. Ce sera une résurrection à l'image de celle de Balot lui-même. Et de même que nous avons porté l'image du footballeur, nous porterons aussi l'image de l'homme, c'est-à-dire de Balot ressuscité lui-même. Brett. Énorme, merci Pouf. Brett. Ah, un grand bien. Coup de massue derrière la tête. Voilà, ah non, mais on a l'impression que ce garçon peut a vécu 10 000 vies déjà, à travers vos mots, qu'il en vivra certainement 10 000 autres, perclus qu'il est dans sa folie, dans son instinct, oui, dans sa technique. Oui, je ne sais pas, oui. Certainement, pour moi, c'est un joueur de foot qui est maintenant très très loin du football. Et c'est ce qui le rend, je trouve, assez... Intemporel. Oui, et puis c'est ce qui me plaît bien. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu le cadet de ses soucis. C'est son joli gagne-pain, il gagne beaucoup d'argent avec ça, mais il en gagne beaucoup ailleurs. Mmh. Il a clairement envie d'être riche et j'aime bien cette manière d'être riche et de représenter un peu un football à l'ancienne, même si c'est pas vraiment ça. Oui. Il a ce côté félin qui est vraiment de tout agrément, effectivement, capable de revenir sur ses pattes. Ça faisait plaisir d'entendre l'amitié Fenn évoquer tout ça, en fait, hein, parce que c'est évident que c'est une chanson qui a été faite pour Balibalo. Baligator 427. Alligato. Et bon, bah. Voilà, donc, non, c'est sûr que voilà, avoir un hommage d'un franc-comtois, je crois que c'est un franc-comtois, hein, d'un franc-comtois de renom comme ça, bah voilà, ça permet d'aller mourir à l'OGCN, on va l'appeler comme ça, hein, et puis bah éventuellement de faire un petit peu de paillettes en début de saison. Et puis on sait bien que tout ça va s'éteindre et ce sera aussi un grand plaisir et pas bien grave pour un petit transfert au mercato. Oui, tout à fait. Puis en plus, je pense qu'il a commencé son année à l'économie. Il a fait 4 matchs là. Il en fait un tous les 3 matchs. Il est bien, ouais. Il marque ses buts. Il a un super remplaçant. Il a un super remplaçant qui marque plus que lui, mais c'est lui qu'on voit. Non, un suppléa. Un suppléa, exactement. Et non, mais. Ouais, Super Mario, quoi. Un bel avenir pour Balotelli, mais peut-être que son avenir est complètement derrière lui, mais un bel avenir. Voilà. Merci. Est-ce que c'est une question qu'on se pose d'ailleurs, ce fameux club dans lequel joue Balotelli, les Aiglons, mon cher coach, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette énorme surprise Début de saison. Ce début de saison remarquable, ou peut-être Marquin. Marquin Mamoun, ça peut être pas mal aussi. Marquin Mamoun, j'achète. Bah, et c'est un feu de paille. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils enchaînent. Et là, en changeant d'entraîneur, finalement, ils ont choisi un entraîneur qui avait un petit peu la même apparemment philosophie de jeu que le précédent. Donc en changeant d'entraîneur, ils n'ont pas changé finalement tant de choses que ça. Après, ils cherchent à récupérer de l'argent, je sais pas, auprès de d'investisseurs chinois ou je ne sais qui. Donc du coup, ils prennent des Balotelli et des Dante, etc. Je pense plus pour des raisons de communication que pour des questions de jeu. Donc il a finalement, c'est presque un coup de bol, hein, que Balotelli finalement réussisse. Tout à fait. Puisqu'il il est pas pris pour des raisons de football. Non, donc finalement, lui, il répond par le terrain, ce qui est assez inattendu et qui est plutôt positif. Ensuite, bon, bah, l'handicap des Aiglons, finalement, ça restera le fait d'être à Nice, quoi. C'est vrai. Mais quand même, ils ont réussi à construire une équipe avec du jeu. Ils ont quand même perdu Ben Arfa. Ce qui montre qu'ils ont quand même bien le sens de l'humour de l'avoir envoyé se griller au PSG une dernière fois. Oh là là, je m'autre. Le club, oui, le club de la capitale, c'est gagné. Le club de ses rêves, c'est cagnotte. Bah, il y a beaucoup de ressuscités en fait dans cette équipe de Nice. Il y a le fameux défenseur central Paul Baïs, qui est passé par Saint-Etienne, mais qui n'était pas un foudre de guerre et qui se révèle cette année. Il y a le non moins jeune Younes Belhanda, parti s'exiler en Sibérie, revenu d'entre le froid. La Bérésina de Belhanda qui se retrouve sur la Côte d'Azur et qui nous fait des séries de matchs assez exceptionnelles. Et puis c'est vrai qu'il y a toute une équipe de jeunes en fait autour d'eux qui joue plutôt pas mal, et puis un entraîneur Favre qui vient de Faber, le fer, n'est-ce pas, pour nos amis latinistes. Non, moi j'ai une petite pensée pour Vincent Cosiello qui va être un super espoir français, je pense, ce petit bonhomme là, petit il y a du monde ouais sur, sur la promenade aussi. Il y a du monde sur la promenade quoi. Donc est-ce qu'ils sont en sur-régime certainement? Il faut le voir comme ça je pense ouais, sinon... petit effet, mais bon il y a un petit, petit côté 14 juillet aussi voilà petit... certainement je ne m'étendrai pas là-dessus. Non il y a un niveau aussi quel ça quoi, un petit effet il y a un niveau aussi assez homogène au niveau des joueurs. Il n'y a pas vraiment de très très bons joueurs et de joueurs très faibles. Finalement, il y a un niveau assez homogène, ce qui fait que l'équipe peut être modifiée, finalement. Ça ne change pas grand-chose à son niveau de jeu. C'est ça, on s'aperçoit qu'en fait, la bonne équipe de Ligue 1, c'est l'équipe qui arrive à se constituer en tant qu'équipe avec des niveaux assez équivalents. Alors, pas des foudres de guerre, mais des mecs qui savent jouer au ballon. Ouais, ça joue au ballon avec un bon maire. Très bon fond de jeu, ouais. C'est une tactique claire et des joueurs qui ne sont pas indispensables à chaque poste, qui peuvent être remplacés en tout cas. Et bien belle équipe, ma foi. De l'OGCN. Et beau stade, quand même. Très beau stade. En plus. Dans le bon goût architectural des stades modernes, top. À l'allemande. Mmh. Puis nouveaux investisseurs aussi, qui mettent un peu de blé pour assurer, je pense, les salaires des recrues estivales. Voilà, un combo sino-américain, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, ça fait les affaires de la Riviera. Eh oui. C'est l'occasion pour vous, mon cher Dondé, je crois, de nous enchaîner avec d'autres résurrections après celle inattendue, donc du côté de la Côte d'Azur. Voilà. Vous aviez envie de chanter, je crois. Oui, je vais chanter. Ouais, je vais chanter parce que. Vous chantez à capella, mon cher Dondé. Parce que les temps sont tristes. Les temps sont tristes et qu'il faut chanter. Il faut mettre du baume au cœur de nos auditeurs. Donc je vais chanter. Effectivement, c'est la Rigobert Song. Donc, c'est une des multiples façons d'interpréter la Rigobert Song. Elle a promis cette chanson un bel avenir. C'est ma version que je propose aujourd'hui, donc je vais vous demander un peu d'indulgence parce que je vais faire aussi la musique, la batterie et la chanson, etc. Donc on y va. Peut-être que Camoun m'accompagnera à la basse aussi pour donner un peu de poids à cette version. Rigobert, tu vas crever sur la terre de tes ancêtres. Tu t'es fait tacler à la gorge par la vie. Le pressing adverse t'a étouffé au stade de l'euthanasie. Rigobert, Rigobert, Rigobert, la grande faucheuse a tendu la pelouse. Tu t'éclates la tête contre la barre transversale. Tu as franchi la ligne rouge de la loose au stade de l'euthanasie. Rigobert, Rigobert, tu marques un but contre ton camp. Tu végètes dans les limbes de la prolongation après l'arrêt cardiaque du gardien de ton équipe au stade de l'euthanasie. Rigobert, Rigobert, Rigobert, les supporters chantent à gloire posthume, la terre des terres de Rigobert. Les thanatonautes portent ton corps sur la civière au stade de l'euthanasie. Rigobert, Rigobert, Rigobert, tu fais la passe et tu trépasses en bord de touche, le tir fait mouche. Tu sors les pieds devant au stade de l'euthanasie. Rigobert, Rigobert, Rigobert, Rigobert, Rigobert. bis, bisset, bisset. Bravo, bravo. Bravo, superbe. Énorme. Super, merci, merci à vous Dondé, c'était formidable, vraiment, vous avez refait, fait revivre tout simplement la, la mémoire de Rigobert, dont on peut signaler que, hélas pour cette chanson, hélas pour cette chanson, et tant mieux pour ceux qui l'aiment, nous faisons partie, Rigobert est en pleine forme actuellement, voilà, peut-être que Martin pourrait nous donner de ses nouvelles, parce que, et nous rappeler finalement cette histoire qui a inspiré Dondé dans ce diabolique rock. On a eu très très peur, non, mais j'ai pas plus de détails que ça. On a eu très très peur, alerte cardiaque pour Rigobert Song, coma, et puis karma, il en est sorti, quoi. Bon karma, Rigobert. Ce sera peut-être le futur Tché, le futur Jean-Pierre Chevènement du football français ou camerounais, si je ne m'abuse. Camerounais, Rigobert, je crois bien. Camerounais, ouais. Camerounais. Reposez-vous, Dondé. Camerounais, quoi. David Ginola, il nous a fait un petit peu aussi. Eh ouais, oui, part. Oui. Tout à fait. On aurait pu faire une David Ginola song. Mm. On aurait pu en faire une, presque. Mais celle-là était tellement belle. Ça va, la gorge? Ouais, ça va, impeccable, merci. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai essayé de mixer différentes influences. Le baroque et le baroque, le rock, l'esprit Moyen Âge. Bon, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ah oui, pour un rescapé du lundi comme vous Dondé, c'était vraiment c'était une partition à la hauteur de votre talent d'écrivain. Hein, du gothique flamboyant. Oui. Là vraiment. Énorme. On sent toute la maçonnerie médiévale qui sommeille en vous et qui ne quand on attend qu'un jour elle rejaillisse quelque part sur le sol phocéen. On l'attend d'ailleurs, Dondé. D'ailleurs, je pense que le groupe Sepultura se cherche un nouveau chanteur. Hein. Donc, je pense qu'il y a sans doute un truc à creuser. Il faut apprendre le brésilien. Quoi, quand même. Est-ce qu'on n'a pas du Cavalera d'ailleurs dans notre sacoche? J'ai vu ça dans vos sons, mon cher. Las Cavaleras. Las Cavaleras. Pour, une petite chanson traditionnelle pour. Los dios de muertos. Je pas. Okay. Allez, on écoute une petite chanson, vous en parlerez après, coach. Ils vous entraîneront tous dans... Là, décidément, quand la technique lâche, le talent ne peut rien faire. Coach, un petit mot sur cette chanson ou... qui vous tient particulièrement à cœur? Traditionnelle de la fête des morts au Mexique, qui je pense fait un petit peu l'apologie des quatre cavaliers de l'Apocalypse, hein, qui viennent faire leur petite moisson gaiement, en buvant quelques bonnes tequilas au passage. Ouais. Voilà, et en mangeant du poulet rôti. Bien agréable, en tout cas. Super. On ne vous entend plus, messieurs de la régie. Non, on est devant tant de belles explications. Ah oui, nous étions peut-être hors ligne. On vous entend un peu, ouais, ça va. Car c'est moi qui aide Brett ce soir en régie. Vous vous en sortez très bien. Voilà. Oui, avec toute l'approximation qui me sied, bien sûr. Magnifique travail. C'est peut-être le moment de lancer le grand quiz. Le Camoun quiz. Camoun quiz. Avec plaisir. Camoun quiz. Et puis cette petite nécro en préambule, car j'avais envie, oui, de rendre hommage à tous nos chers disparus 2016. Ils furent nombreux. 2016, année noire pour le sport, mais pas que. Pour le sport, j'y reviendrai. Car, oui, au niveau du 7e art, nous ne regarderons plus les films d'Andrzej Wajda, d'Abbas Kiarostami, de Michael Cimino, d'Andrzej Żuławski, d'Ettore Scola, de Pierre Hété. Nous ne rirons plus devant Bud Spencer ou Michel Galabru. Et tout ça si bien chroniqué par Pierre Tchernia. Nous ne lirons plus les livres de Maurice G. Dantec, ni de Jim Harrison, ni de Michel Tournier ou encore de Dario Fo. Tout cela habillé magnifiquement par Sonia Riquiel. Nous ne nous abriterons plus sous les bus de J.C. Decaux, lui-même disparu. Nous n'entendrons plus la voix suave de Jean-Pierre Coff. Nous disant de choisir entre David Bowie ou Prince ou Michel Delpech. Mais une pensée particulière pour Pierre Boulez. Et en politique également, nous ne pourrons plus admirer les prouesses de Michel Rocard, ni celles de Boutros-Ghali. Mais le pire étant pour le sport. J'oubliais la BD un petit peu, une petite pensée pour Manuel, sans doute, et Ted Benoît, ou encore Ciné, qui devait lui être cher. Mais le sport en 2016, vit perdre deux de ses plus grands... J'en perds les mots presque, car il y a là Mohamed Ali, the greatest, le plus grand de tous. Il y a là Cesare Maldini, il y a là René Marsiglia, il y a là Trifon Ivanov, mais il y a là surtout Johan Cruyff. Johan Cruyff. Je commencerai donc par là. Quiz, messieurs. Vivant, mort ou mort-vivant? Johan Cruyff. C'est chacun pour sa pomme ? Mort. Mort vivant, allez. Mort, ouais. Mort. Mort vivant. Ah, on ne meurt jamais vraiment quand on est un mec comme Cruyff. Ah là là, mais oui, Brett, bien sûr. Non, non, pas d'accord. Un bon Indien est un Indien mort, Brett, vous le savez très bien. Comme disait si bien que je vois une un Cruyff. Mort. Sachant que pour des bâtons d'Anguirou, on a quand même... plutôt une pensée émue hein, pour Trifon Ivanov, qui est une des grandes figures tutélaires de l'émission. Et aussi pour René Marsiglia, dont on n'a jamais parlé, mais non. Qui mériterait une émission avec tout seul. Bien sûr. Non, quant à Johan Cruyff, il est évident que les équipes qui l'ont habité n'ont probablement pas survécu à son trépas. Donc il reste vivant, bien sûr, dans nos souvenirs, dans nos mémoires, dans nos larmes parfois. Mais je pense que l'ami Johan, par exemple, a creusé définitivement la tombe, et c'est une bonne chose, celle des Oranjes. Cette équipe des Pays-Bas qu'on ne reverra plus jamais, je pense, et tant mieux. Tout à fait. Avec le Matra Racing. Aussi. Ils sont des derbys le dimanche. Mais... le fameux derby de mort, d'ailleurs. Oui, le derby du mort. Pour une prochaine édition. Et à qui attribuez-vous le point, mon cher Martin? Tout de même, nous trépidons, nous. J'ai envie de dire Brett, hein, car Johan Cruyff n'est jamais mort, vraiment. Si on voit le jeu aujourd'hui que propose le Barça, on le doit en grande partie à Johan Cruyff. Il vivra toujours, toujours grâce c'est à... Bien, quand on est un peu lèche-botte d'avoir le premier point, c'est quand même chouette. Oui, oui. Tout quand on est derrière les manettes des micros, c'est... Non, agréable. Mais c'est vrai qu'il n'a pas su que montrer son jeu magnifique, son élégance et tout ça, mais il a su être entraîneur, un des premiers entraîneurs du Barça, champion d'Europe. Et voilà, et ce jeu magnifique qui me donne une belle aussi, comment dirais-je, un bel enchaînement que m'avait... Excusez-moi mon cher Martin, mais je trouve que l'attribution du point à Brett... étant donné l'élégie funèbre que je me suis permis sur l'ami Johan Cruyff, oui, je trouve on peut dire un partout. On peut dire un partout, je vous l'avoue. Un petit peu gros tout de même. Je vous l'admets. On peut dire un partout. Et bien, dans ce cas, je. En tout cas, zéro pour Domzé, quoi, ça c'est sûr. Puisque je suis. Ça va. Je viens de partager mes points, voire de ne pas en gagner du tout. Combien de points d'ailleurs, Brett? En tout cas, c'est moins 1 pour Dante qui a dit mort et mort et mort et mort et non. Johan Cruyff et non. Vivra pour Dondé. Toujours. Rigobert. Et donc, voilà, oui, mon enchaînement sur le jeu à la barcelonaise, à la Johan Cruyff. Pourrait-on dire mort, vivant ou mort-vivant, le jeu à la nantaise? Bah, ici, mort. Ici, c'est ennuyeux. Bah, en même temps, avec Manuel. Manuel n'étant pas là, on peut dire, voilà, le jeu à la nantaise est parti avec Manuel. Petite dédicace à Manuel, effectivement, là-dessus. Mais... Bah, il est surtout parti avec Jean-Claude Ciodo et oui, Tenoix derrière. Et c'est vrai que Manuel faisait partie du staff. On se rappelle que... C'est le moment où il quitte la ville, vient s'installer à Avignon, ouais. Peut-être même à la capitale. C'est à ce moment-là, oui. Ouais. Non, c'est sûr, le jeu à la nantaise meurt à la fin des années 90. Et depuis, c'est une lente... agonie en fait, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, l'entraîneur c'est René Girard, ce qu'on peut difficilement faire plus à l'opposé, hein, du jeu à la nantesque. Ouais, et puis on voit que la famille Gourcuff est allée s'imposer à Nantes pour produire du jeu. Pour produire un peu plus de jeu d'ailleurs, en effet. Voilà, qui porte les couleurs rennaises, c'est pas forcément terrible. Hein. Oui, puis après, le jeu à la nantaise était aussi porté par son centre de formation. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de joueurs en fait qui sont issus du centre de formation de Nantes qui arrivent à s'imposer dans d'autres clubs, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, je pense que je vote pour la mort du jeu à la nantaise. Donc, la mort cérébrale complète là. Ouais, oui, oui. Mais qu'est-ce que le jeu à la nantaise, quelque part? N'est-ce pas un peu le jeu à la barcelonaise aussi? Le coup de fil d'un ami qui pourrait nous sauver. Jeu de passe à répétition. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur ton club? C'est pas vraiment... Johan Cruyff est pas entièrement responsable... Johan Gourcuff. N'est pas entièrement responsable du jeu à la barcelonaise qu'on peut voir aujourd'hui, qui est un jeu de possession et de redoublement de passes, ce qui n'était pas son cas. Lui, c'était quand même un jeu de football total, très tourné vers l'avant, très vertical, où tout le monde défend et se dépouille à fond pour l'équipe, les premiers défenseurs étant les attaquants. Donc c'est peut-être plus Bielsa, d'une certaine manière, qui était dépositaire de ce jeu-là que le Barça de Guardiola. Hein. Et dans le jeu à la nantaise, c'est justement une espèce de mélange entre, je pense, le football total de Cruyff et finalement un certain jeu un petit peu nonchalant et sexy à la brésilienne, je pense. Très bien, je vais mettre le point. Je mets le point à Coach Luc sur cette question. Oui, du football en string, quoi. La nantaise. Prochaine question. Vivant, mort ou mort-vivant? L'Agi Auxerre. Encore plus mort que Nantes. Eh oui, c'est terrible. Ah oui, l'Agi, c'est vrai que... Moi, j'appréciais l'Agi de ma jeunesse. J'avais quelques accointances, pour tout vous dire, avec certains de ses joueurs. Même parfois... Oui. Certaines croyances en son entraîneur, voilà, et puis j'ai vite déchanté, erreur de jeunesse, et maintenant je vous avoue que pour moi, c'est totalement fini, Moulagier. Moi je pense que c'est quand même un zombie décérébré, il n'est pas totalement mort, puisqu'en fait on peut encore y trouver justement ce fameux entraîneur mythique, qui appartient un petit peu au nom de notre émission, qui continue de errer finalement un petit peu, hein, comme un zombie en quête de cerveau à dévorer. Eux-mêmes ont vendu à une entreprise chinoise, comme bon nombre de clubs. Est-ce que ça va être leur survie ou au contraire leur enterrement définitif? Ah bah sur l'économie, il faut interroger Dondé. j'aurais trop peur de marquer le point. je préfère passer. Laissez-le au coach qui a si bien évoqué ces morts-vivants. Prochaine question. Vivant, mort ou mort-vivant? Pascal Chibonda. Survivant. Qui est présent. C'est une question piège. Qu'est-il devenu? Bah, Coach Luc, vous direz s'il se ruait sur le micro qu'il n'est pas très loin d'ici, Chimonda. Il est à Mazargues, etc. La légende dit qu'il est à Mazargues. Voilà, quelqu'un l'aurait vu. La légende veut qu'il soit venu s'installer à Mazargues pour finalement s'occuper d'équipes de jeunes. D'ailleurs, moi, je ne désespère pas de pouvoir faire une émission spéciale avec Pascal Chibanda comme invité d'honneur. Je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur une carrière de footballeur qui est assez particulière, assez exemplaire d'une certaine manière et pourtant assez en marge aussi. Ce qui est un peu dramatique pour l'histoire de Chibanda, c'est que c'est principalement Domenech qui lui a fait beaucoup de mal, quoi, en réalité. C'est vrai que son nom est resté associé forcément au remplacement des remplaçants des remplaçants. Et c'est un peu triste parce que c'était peut-être par ailleurs un joueur assez correct, mais voilà, sa sélection en équipe de France, contre toute attente par Domenech, l'a très certainement desservi au maximum. Et puis est devenu forcément l'objet des colibés de gens comme nous. Qu'est-ce que vous voulez, Domenech, on a fait un gag. Il n'a pas joué, en fait, Chibanda. Il y a eu cette fameuse chanson. Chibanda. Chibanda. Il était tout de même élu meilleur latéral du championnat anglais en 2009. 2009 ou 2010. Donc il est dans la transmission aujourd'hui, Pascal Chibanda. Il fait fructifier. Pardon ? Dans la téléphonie. On pourrait dire qu'il est un peu vivant, donc. Donc il est, mort-vivant. Disons qu'il est mort en tant que footballeur et qui ressuscite en tant que passeur. Passeur auprès de nos jeunes Marseillais qui ont bien besoin des lumières. C'est un footballeur, mon cher Dundee. C'est un footballeur. Eh bien, écoutez. Et plus sérieusement maintenant, vivant, mort ou mort-vivant, Mathieu Valbuena. Je propose de passer un coup de fil à Karim Benzema pour, pour savoir comment il se porte. Tout dépend du point de vue qu'on adopte, quoi. C'est-à-dire que Valbé... Valbé, à mon avis, il est fini pour le niveau international. Vous dites pas Valbu. Non, je dis Valbé, moi. Valbubu, Valbé, fini pour le niveau international, on le verra plus jamais. Il a quand même beaucoup de mal à se remettre à son niveau, il enchaîne les blessures. On le voit plus, il a une affaire de justice au cul. A priori, pour moi, il peut rebondir dans un petit club et terminer sa carrière à la manière d'un Cédric Barbosa, par exemple. Mais c'est tout à 38 ans. Je pense que Valbuena, c'est le type de joueur qui peut jouer jusqu'à 45 ans. Mmh. Oui, il y a la Ludovic Joly. Il y a ce potentiel-là. Le centre de gravité. Le regard bas. Oui, ça use moins les articulations, je crois. Le centre de gravité. On ne sait pas. On dit aussi des petites personnes que leur cœur est proportionnel à leur taille. Et donc, ils ont une difficulté à répéter les efforts et à se maintenir dans le temps. En ce qui me concerne, Valbuena, je trouve qu'il n'a pas de difficulté à répéter les efforts. En tout cas, on ne le voit plus, donc portée disparue. Il vient de se casser la clavicule. 3 semaines d'indisponibilité, donc. Puis disons de toute façon qu'il joue dans le club de la capitale des Gaunes, donc on peut considérer qu'il est mort. Hein. Oui. He's gone. Il n'y a qu'un Olympique. Ouais. De toute façon, il n'y a qu'un Olympique. Ils l'ont bien fait comprendre, d'ailleurs. Mon cher Martin, est-ce que vous pourriez nous faire un topo sur les points Les scores, quoi. Ce qui nous intéresse dans un quiz, au fond. Je pense qu'il va inventer. Ouais. Non, ils sont notés un peu... Moi, j'ai compté les miens, donc il n'y a pas de... Moi aussi. Il n'y a pas de soucis, j'en ai 3. Ouais, je crois que nous sommes à 2 pour Brett, non? Ouais, c'est... À 2 pour Brett, à 2 pour Doc. Ne lui posez pas la question. 2 pour Doc. Mais Doc, c'est une question sur passion. Mais le Doc n'est même pas là, mon cher Camus. je suis sûr que. Ouais. Donc, Dondé 0 point, quoi. Dondé 1. Si, Dondé 1. Mais pourtant, il avait moins 1 tout à l'heure. Donc, s'il a mis 1 point, il devrait être à 0. Il a mis 2 points. Il participe au débat. Oui, non, il a été très bon sur Chibanda et sur. Et Luc, il n'est qu'un aussi, en fait, coach Luc. 2-2-1-1. Une dernière question peut-être pour ces dernières questions, la question en or. Peut-être la question en or, un peu facile peut-être, mais quand même qui nous intéresse toujours. Abou Diaby. C'est sérieux. Assez sérieux. Ça reste sérieux, mais... Mort-vivant, je crois que... Oh là là, terrible Abou. C'est terrible. terrifiant. Ah, il doit avoir une réincarnation quelque part à Abu Dhabi, parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'en rester là, on est d'accord. C'est comme ce fameux bouquin dont Manuel avait parlé une fois, je pense, à la radio, d'un type qui picole et compagnie tous les soirs, qui se fait la brinque, qui se fait tabasser. Et il se lève toujours le matin, nickel. Et il y a un type à côté qui n'a rien fait de tout ça et qui se réveille avec les ecchymoses de l'autre. C'est un peu une espèce de Dorian Gray, mais. Ouais. Je pense qu'Abu Dhabi, c'est le Dorian Gray de quelqu'un. C'est ça, peut-être celui de Joey Barton, je sais pas. Pour qui paye-t-il? Il se régale et c'est Dhabi qui morfe. Quoi. Je pense que moi, je le vois comme ça. Mais... C'est terrible, Abu. Ce serait pas vous, Brett, un grand échassier avec la jambe un peu fine. Ouais. Oui, une technique au milieu de terrain, somme toute équivalente. Mais peut-être une meilleure résistance à l'effort. Mais... Il se serait fait marabouter. Aussi. C'est un film de Night Shyamalan. Pardon ? Ouais, il est très ciné. M. Night Shyamalan. Ah, je croyais que vous parliez de ma soeur. Incassable. Oui, oui. Il est cassable. Hein. Il est cassé même. Mais il est à bout. Il est à bout, Diaby. Hein. Il a joué cette année Il a joué 2 matchs et demi, je crois. Ouais. Il a joué cette année pour de bon ? Il a joué 2 demi-matchs, en fait. 2 demi-matchs ? Ouais, 2 demi-matchs. Il est rentré, il a mal joué. Bah, Abu Dhabi, il est mort, quoi. C'est fini, quoi. Mais non, vous êtes trop catégorique. Bon. C'est terminé. Il est venu dans le sud pour se refaire une santé. On nous a vendu le climat, le fait que le climat anglais favorisait l'arthrose, etc. Bon, n'était pas en capacité de permettre le ressoudage des blessures. Bon, force est de constater qu'Abu Dhabi, ça fait 1 an et demi qu'il est à l'OM et il a joué 3 matchs. Et il est indisponible pour 4 mois. Il est indisponible pour 4 mois, voilà. Ouais. Il aurait mieux donc réussi à Evian Tonon-Gaillard, c'est ce que tu veux dire, en fait. Oui. Bon, il a été décisif quelques fois, quand même, à Abu Dhabi. Mais où ? À Arsenal. C'est-à-dire ? Non, à l'Olympique de Marseille. Dhabi, ouais. Dhabi sur canapé, quoi. C'est lui qui... qui a ramené la ferveur au stade. Non, mais je pense que pour le très haut niveau, il a plus le rythme. Mais il pourrait, peut-être en révisant un petit peu à la baisse. Assistant coach de Pascal Chibonda à Mazar. C'est prétention. Moi, non, mais je pense qu'il pourrait sans doute jouer en Ligue 2. Ou... Non, et puis faire part d'une expérience, etc. Le problème de la Ligue 2, c'est qu'elle est quand même plus violente que la Ligue 1. Effectivement, la Ligue 2 est physique et on voit quand même qu'il va passer direct au match. Il va se faire très mal. Bon, les bouts de match que j'ai vus, quand même, on sent qu'il a quand même une crainte. On le voit, il hésite dans l'engagement physique, etc. Il s'avade pas trop. Ben oui, forcément. Ouais, mais c'est un grand gabarit qui pourrait éventuellement, je sais pas, porter les gants. Quoi. Je pense qu'à l'OM, il y a quand même de la place. Et bon, ce serait pas si mal. On peut faire un beau duo d'attaque avec Peter Crouch. Oui, c'est... Il est cassable. Mais bon, pour revenir sur l'ami Yoann Pelé, bon, voilà, qui s'est pas pris de but hier, c'est vrai. C'est pas non plus l'assurance touriste. C'est pourquoi pas un Abu Dhabi. Ouais. Écoutez, ouais. Deux gardiens, ça ce serait pas mal. Ouais. Je crois qu'en fait. 2-4-2-2. Bah, c'est bon. En même temps, si on regarde un petit peu le match d'hier, il y avait à peu près 10 joueurs devant le but. Hein. Donc il y avait presque 10 gardiens quand même. Là, il avait construit un mur, hein, l'ami Garcia. Hein. Je crois qu'il nous faut un dernier nom pour départager, car nous avons une égalité parfaite. La Dandé et Coach viennent de marquer un point chacun. La régie, elle, a calé. C'est eux qui marquent des points. Deux points partout, il nous faut, et ça va être le nom. Rigobert. Le dernier. Les références littéraires, ça marche pas. Vivant, mort ou mort vivant. Michel Platini. Ah ben, vaste débat là aussi. On est encore là, c'est du lourd. Mort vivant. Hein. C'est du lourd. Mort vivant parce que on connaît les capacités du monde politique français à nous faire revivre Michel Platini. Et je pense que c'est tout à fait possible d'avoir un bon vieux Michel Platini dans un bon vieux gouvernement en 2017. C'est tout à ministre fait possible. Ministre des Sports. Ce n'est pas à exclure. Un bon ministre des Sports, Michel Platini, on serait au top. Voilà, vous marquez 2 points là, Doc. Hein. Vous marquez 2 points. Là, voilà, moi, je le verrais plutôt en ministre des Droits de la Femme. Mais bon, c'est un point de vue. Hein. 3 points pour Coach. La Platinite, ministre des discothèques et de la santé nocturne. Avec David Guetta. Après, au niveau du foot, il a été un petit peu enterré vivant quand même. Hein. Je pense qu'il aura du mal à sortir du cercueil dans lequel on l'a enseveli. Hein. Ah bah là, il a... Ouais. Bon, après, bon, peut-être qu'il n'a que ce qu'il mérite, mais... Peut-être qu'on s'en tamponne un peu, en fait, de Michel Platini. On s'en fout, hein. Ouais, il nous a eu. C'est ça. D'une manière générale, les Michel... Les Michel. On peut pas trop leur faire confiance, quand même. Non. Bien, donc c'est une victoire grand collective. De... C'est une de victoire cette collective. Émission, oui. Donc le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille, une fois que Rudy Garcia se sera planté, sera Michel Platini. C'est ce que sans vous êtes doute, en, train, hein. en train de tous de dire, hein, c'est ça. Hein. Avec Pascal Chibonda. En coach des gardiens. Et Abou Dhabi. Parfait. Magnifique. Bien. On termine ici. On peut, je crois, on a fait le tour de la mort, ce qui n'est pas une messe à faire. Le tour de la résurrection aussi, à une semaine du coup d'envoi des JMJ et des décorations à coup de tri de chrysanthèmes en fait. Donc on était dans le sujet et c'est ça qui est bien avec nous. Ah bah oui, on était dans les clous comme d'habitude. Hein. J'espère qu'on les a pas trop plantés, que le cercueil de certains n'a pas trop résonné, peut-être un peu prématurément. N'est-ce pas, mon cher Rigaud ? Désolé, Rigaud. Hein, c'était très bien intentionné. C'était dur, mais voilà. Comme vous le savez, nous sommes ici pour rire du football et avec les footballeurs. Et ça, c'est quand même très, très important. C'était un grand cri d'amour. Hein. Rigobert ! Rigobert ! Allez, on va se quitter en musique avec Baos, Bela Lugosi's Dead. Encore un choix du coach. Un petit mot, vite fait, pour la fin ? Non. Allez, c'est super. Merci à tous. Merci. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. Merci. À plus. Salut, les gars. Merci. À bientôt sur les ondes. J'espère revenir un jour.